Osée chapitre 11. Quand Israël était jeune enfant, je l'ai aimé, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Lorsqu'on les appelait, ils s'en sont allés de devant ceux qui les appelaient, ils ont sacrifié au Baalin, et ont fait des encensements aux images taillées. Et j'ai appris à Ephraïm à marcher, on l'a porté sur les bras, et ils n'ont point connu que je les avais guéris. Je les ai tirés avec des cordeaux d'humanité, et avec des liens d'amitié, et je leur ai été comme ceux qui enlèveraient le joug de dessus leur cou, et j'ai fait approcher de lui la viande. Il ne retournera point au pays d'Égypte, mais le roi d'Assyrie sera son roi, parce qu'ils n'ont point voulu se convertir à moi. L'épée s'arrêtera dans ses villes, et consumera ses forces, et les dévorera, à cause de leurs conseils. Et mon peuple pend attaché à sa rébellion contre moi, et on le rappelle au souverain, mais pas un d'eux ne l'exalte. Comment te mettrai-je, Ephraïm? Comment te livrerai-je, Israël? Comment te mettrai-je comme Jimmy Adma, et te ferai-je tel que Tseboïm? Mon cœur est agité dans moi, mes compassions se sont toutes ensemble échauffées. Je n'exécuterai point l'ardeur de ma colère, je ne retournerai point à détruire Ephraïm, car je suis le Dieu fort, et non pas un homme, je suis le Saint au milieu de toi, et je n'entrerai point dans la ville. Ils marcheront après l'Éternel, il rugira comme un lion, et quand il rugira, les enfants accourront de l'Occident en hâte. Ils accourront en hâte hors d'Égypte, comme des oiseaux, et hors du pays d'Assyrie, comme des pigeons, et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel.